Sixième partie. Conclusion. Nous sommes tous des créatures d'Allah. Aucun d'entre nous ne peut aider ou sauver l'autre sans que Allah ne l'ait décidé. Donc, c'est à Allah que l'on doit tout demander, directement. Maintenant, veux-tu savoir comment faire pour que Allah soit plus près de toi et de tes demandes? Tu dois lui obéir et faire beaucoup de bonnes actions. Et sache, petit musulman, petite musulmane, que la pire des choses et la plus détestée d'Allah, c'est le shirk dont nous avons parlé tout au long de cette leçon. Prends garde de ne jamais adorer autre qu'Allah, car sinon, toutes tes bonnes actions seront perdues, comme le vent emporte les feuilles mortes. Allah dit dans le Coran: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé: si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Tu seras très certainement du nombre des perdants. Prends garde à ne pas écouter les méchants hommes qui ont suivi le mal et qui ont suivi le chemin de Iblis, le trompeur. Prends garde à ne pas les suivre dans leurs mauvaises actions, comme la magie ou la sorcellerie. Ne fréquente jamais les gens qui font cela, car ce sont des gens très méchants. Et si quelqu'un, parmi les gens, se moque de toi parce que tu aimes Allah, parce que tu aimes le tawhid, et parce que tu aimes adorer Allah seul, n'aie pas peur et ne pleure pas. Pense plutôt à tous les prophètes avant toi dont leurs peuples se sont moqués d'eux. N'es-tu pas heureux de savoir que tu es comme eux? C'est un grand cadeau qu'Allah t'a donné de ressembler aux prophètes. Masha'Allah! Sois bien attentif toutes les fois que l'on te parle du tawhid, que ce soit ton père, ta mère, l'imam ou qui que ce soit d'autre. Sois bien attentif, car vraiment le tawhid, c'est la plus belle chose sur terre et la chose la plus importante dans ta vie. Les prophètes et les gens de bien ont toujours parlé à leurs enfants du tawhid, comme le prophète Ibrahim, mais aussi Luqman le sage, et notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les autres. Écoute bien ton père, et écoute bien ta mère lorsqu'ils te parlent du tawhid, et toi aussi, pose-leur toutes les questions que tu veux sur le tawhid. Tu ressembleras comme cela aux enfants des prophètes. Même gravement malade, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais cessé de parler du tawhid et d'inviter les gens au tawhid. Il était vraiment courageux et il aimait vraiment le tawhid plus que tout. Puis, les premiers musulmans, les salafs salih, l'ont imité dans son comportement et ont aussi appelé au tawhid. Et de nos jours, le besoin d'apprendre le tawhid et de savoir comment adorer Allah est plus grand encore, car malheureusement, il y a beaucoup de gens qui commettent le shirk et qui commettent de mauvaises actions. Après le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les grands savants de l'islam ont appelé au tawhid, chacun à son époque. Ils ont transmis le message des prophètes, puis ont patienté face aux attaques des mauvaises personnes, comme les prophètes ont patienté avant eux. Et ces savants ont écrit des livres très importants qui parlent du tawhid, Le plus connu de ces livres s'appelle Kitab al-Tawhid. C'est un livre qui t'explique comment adorer Allah comme il le faut. Ce livre raconte tout ce dont on a parlé ensemble dans cette histoire. Mais Kitab al-Tawhid, c'est un livre pour les grands. Tu le liras quand tu seras grand, Inch'Allah. Es-tu pressé de devenir grand? Quand tu seras grand et que tu auras bien appris le Tawhid, tu appelleras les gens au Tawhid, comme les prophètes et les savants l'ont fait avant toi. Et tu deviendras comme eux, Inch'Allah. Ainsi s'achève cette leçon. Est-ce qu'elle t'a plu? Nous avons appris ensemble plusieurs choses. Nous avons appris pourquoi l'homme a été créé. Il a été créé pour adorer Allah. Nous avons appris ce qu'est l'adoration d'Allah et ce qu'est le Tawhid. Il faut adorer Allah seul et personne d'autre que lui. Et nous avons appris comment les hommes ont été trompés par le méchant Iblis et comment il les a fait tomber dans le shirk, le pire des péchés. Nous avons aussi appris l'histoire de plusieurs prophètes et leur message, le message du Tawhid. Et pour finir, nous avons appris quel était le message de notre prophète Mohammed et des gens qui l'ont suivi. C'est bien sûr le message du Tawhid. Et nous avons appris beaucoup d'autres choses. Pour ne pas les oublier, écoute de nombreuses fois cette leçon. Et pose la question à tes parents si tu ne comprends pas. Je te dis à bientôt, Inch'Allah, pour une autre leçon et un autre sujet. Astaoudi'ukallah.